Il roule et voici qu'elle traverse. Il voit se balancer ses reins. Dans son véhicule tout-terrain, voici qu'il part à la renverse. Voici qu'il parcourt les reliefs et les sommets de la passante. Il balance le chaos en bref, le voici sur la mauvaise pente. Il a pris le choc en plein cœur, un cœur bien carrossé pourtant. Tant d'années déjà au compteur, tant d'années sans un accident. Coup de foudre en un coup de frein, la piétonne effrayée recule. Il descend de son véhicule pour l'affronter sur son terrain. Il voit son sourire esquissé, perçoit le bruissement des cils, un regard qui lui dit qui sait, voici qu'il n'est qu'un imbécile. Tant d'années déjà sans amour, que faut-il faire dans ces cas-là? Peut-être établir un constat, mais les dégâts sont bien trop lourds. Il fouille en vain sa matière grise, hors de l'abri du pare-brise. Un souffle d'aile et ses pensées aux quatre vents sont dispersés. Avant de prendre la voiture, que n'a-t-il relu les poètes? À défaut de littérature, il s'en tire par les pires pirouettes. Au lieu de lui dire un quatrain, il parle de son 4x4, de tout terrain. De tout de rien, il s'enlise, mais il se pignâtre. Et voici qu'elle en a assez. Une prochaine fois, faites attention. Elle prend le passage pour piéton, le temps se remet à passer. Sur ses bas de soie qui s'en vont, il se dévisse en vain le cœur. Sous hurlement des klaxons, aux menaces des avertisseurs. Voici qu'elle est passée par là, et qu'il s'en va dans l'autre sens, pour arpenter le terrain plat qu'est devenu son existence. Quand fut créé l'automobile, comment l'homme se conduisit-il? Pour que le ciel par punition mit la passagère en option. Il s'en va retrouver sa vie, sans joie, sans sourire et sans flamme, sans bas de soie, sans organdie. Il s'en va retrouver sa femme.